Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 164. De la punition du péché d'Adam. La mort, peine générale, autre peine particulière dont parle la Genèse. 1. La mort fut-elle la punition du péché de nos premiers parents? C'est par un seul homme, a dit l'apôtre saint Paul, que le péché est entré dans le monde, et, par le péché, la mort. Romains 5, 12. Dieu, en créant le premier homme, lui avait accordé ce privilège, que tant que son esprit serait soumis à son Créateur, les puissances inférieures le seraient à l'esprit, et le corps à l'âme. L'esprit de l'homme s'étant révolté contre Dieu par le péché, les facultés inférieures cessèrent de lui être totalement soumises, la chair s'éleva contre lui, et le corps n'obéit plus à l'âme, de là les infirmités et la mort. Car si la vie humaine et le salut du corps consistent à être soumis à l'âme, comme le perfectible a son principe de perfection, les défaillances du corps, par la loi des contraires, sont dues à sa rébellion contre l'âme. De même donc que la révolte de la chair contre l'esprit servit à châtier le péché de nos premiers parents, de même la mort et tous les défauts corporels en sont pareillement une punition. Note. Du côté de l'âme, qui est immortelle, la mort n'est pas naturelle à l'homme. Il est vrai que le corps, composé d'éléments contraires, est naturellement corruptible, mais Dieu, par sa puissance, avait exempté le premier homme de la nécessité de mourir, privilège qui fut enlevé par le péché. Il faut donc dire que la mort est tout à la fois naturelle et pénale, naturelle, par la matière du corps, pénale, par la soustraction de la grâce. Dieu répartit maintenant les maux de cette vie suivant sa prescience et sa providence, tantôt en punition des péchés des parents, tantôt pour le salut éternel de la personne à laquelle il les applique. Au moment où Adam et Ève désobéirent, la mort commence à exister. Nos premiers parents en ressentirent les atteintes le jour où ils reçurent leur arrêt fatal, qui les condamna à vieillir. Fin de la note. 2. La Sainte Écriture détermine-t-elle avec convenance les peines de nos premiers parents? Il nous doit suffire de savoir que ces peines ont été infligées par Dieu, qui, selon les expressions de la sagesse, fait tout avec nombre, poids et mesure. Privé du bienfait divin qui maintenait la nature humaine dans son intégrité, nos premiers parents perdirent ce qui convenait à l'état d'innocence et de justice, la jouissance du paradis terrestre et le pouvoir de prendre du fruit et l'arbre de vie. Dieu, dit l'Écriture, les chassa du paradis de volupté, et plaça à l'entrée un chérubin qui tenait un glaive flamboyant. Genèse 3:23. Leur seconde punition, consistant dans certaines pénalités qui convenaient à la nature dénuée du bienfait divin, affecta leur âme et leur corps. Quant au corps, les douleurs de l'enfantement, la sujétion à l'homme, voilà pour la femme. Travail assidu, stérilité de la terre, voilà pour l'homme. De là ces paroles, Dieu dit à la femme, « Tu enfanteras dans la douleur, tu seras sous le pouvoir de l'homme. » Il dit à l'homme, « La terre sera maudite dans ton travail. Tu ne mangeras de ses fruits qu'avec beaucoup de labeur. » Genèse 3, 16 et 17. L'âme, pour sa part, ressentit une grande confusion de la révolte de la chair, et l'entendit Dieu lui reprocher sa faute, et fut condamnée à se souvenir de la mort. De là ces autres paroles, leurs yeux s'ouvrirent, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Voici qu'Adam est devenu semblable à l'un de nous. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Les tuniques de peau furent le signe de la mortalité future. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.